Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Vingtième et dernier épisode. Nessim a demandé à Darley de ramener à Alexandrie l'enfant qu'il a eu avec Mélissa. Après l'échec du complot, Memlik a fait mettre sous séquestre les biens des Rosnani et il a assigné Justine à résidence à Carmes. La femme fatale d'autrefois est méconnaissable, amaigrie, vindicative et amère. Au terme d'une nuit passée avec son ancien amour, Darley s'est réveillé libéré de son emprise. Avec Cléa, en revanche, les retrouvailles ont été splendides. Ils sont devenus des amants heureux. Allô, oui. Bonjour, monsieur. Je crois que je ne vous suis pas inconnu. Je suis Liza Perswarden. Vous étiez un ami de mon frère et j'aimerais vous rencontrer pour que vous me parliez de lui. Je savais que Liza était arrivée depuis peu à Alexandrie et qu'elle habitait à la résidence d'été de l'ambassade britannique. L'amour qui la liait à Mount Olive était maintenant connu de toute Alexandrie. Cléa me raconta qu'un jour où elle observait la corniche avec le télescope de Nessim, elle vit Liza et David marcher sur la plage. Liza, le visage crispé par la douleur, criait à travers ses larmes « Non ». Non, vous ne pouvez pas avoir une ambassadrice aveugle. Dieu merci, vous êtes venu. La beauté de Liza me frappa. Elle me présentait son visage aveugle, empreint d'une curieuse expression de triomphe fébrile, le menton levé dans une attitude de défi inquiétant, comme si elle offrait son cou adorable à un invisible bourreau. Je sentis tout à coup ses doigts tièdes et doux se déplacer rapidement sur mon visage, comme s'il lisait un texte en braille. Je vous prie de me pardonner, mais je n'ai pas d'autre moyen de connaître les visages. Vous vouliez me parler de votre frère. Oui. Je n'imaginais pas que ce serait si difficile à expliquer. Balthazar m'a dit que vous savez mon histoire. Je sais que Perswarden et vous avez été amants. Oui, pendant de nombreuses années, nous avons connu un bonheur parfait. Mais Ludwig m'avait prédit la venue d'un homme qu'il appelait le sombre étranger et qui me ferait connaître l'amour. L'amour fatal, vous savez. Oui, je sais. Des années plus tard, j'ai rencontré David. Nous nous sommes aimés en secret, mais mon frère n'ignorait jamais rien de ce qui me touchait. Il sentait tout. Après un long silence, il m'a écrit et m'a demandé si le sombre étranger était venu. Je lui devais la vérité. C'est alors qu'il s'est suicidé. Oui. Pendant des années, il m'a écrit des dizaines de lettres que je ne devais connaître que lorsque cet homme serait venu. Il me les lirait, puis nous les détruirions ensemble. Je comprends. Le problème est que David estime qu'elles sont de grandes valeurs littéraires. Il dit que nous avons le devoir de les conserver. Vous êtes écrivain. Lisez-les, comme si vous les aviez écrites. Et dites-moi si vous souhaiteriez qu'elles subsistent. Ou bien qu'elle soit détruite. Darley, je vous en prie. D'accord. Je prends les lettres. Merci. Dans le parc de la résidence, en passant sous les arbres, j'aperçus Mantoliv qui se glissait vers la porte de service. Il avait dû faire les 100 pas en proie à une douloureuse appréhension. Les 10 doigts avides de ma muse aveugle enflamment mon visage de leur désir sensuel. Ces vers me trottaient par la tête quand je retournais voir Liza à la résidence d'été le lendemain soir. Vous avez fait très vite. Au fond, c'est mieux comme ça. Nous allons enfin pouvoir prendre une décision. Je n'ai pas dormi de la nuit. Moi non plus. Je n'ai jamais rien lu de pareil de toute ma vie. C'est ce que je craignais. Vous allez me conseiller de les conserver à tout prix, c'est ça ? Liza, il ne s'agit pas d'un problème littéraire, à moins que vous décidiez de le considérer comme tel. Vous n'avez besoin de l'avis de personne. Mais si ces lettres étaient les vôtres, si vous les aviez écrites à quelqu'un que vous aimiez... Alors je serais soulagée de savoir que ma volonté a été respectée. Vous allez m'aider à les brûler, n'est-ce pas ? Venez. Asseyons-nous près du feu. Je pris les enveloppes, dépliai chaque lettre et les lui tendis pour qu'elle les place elle-même sur les bûches enflammées. Tranquillement, méthodiquement, elle les déposait les unes après les autres sur le bûcher funéraire, la tête inclinée dans la contemplation du sombre cristal de sa jeunesse. C'est la dernière, n'est-ce pas ? Je les ai comptées, vous savez. Celle-là, je la connais par cœur. Je dois réellement t'abandonner, me retirer de la scène et ne plus permettre à nos cœurs vacillants un seul battement équivoque. Si tu considères tout cela, au-delà du chagrin immédiat, tu verras comme la logique de l'amour semble parfaite à celui qui est prêt à mourir pour lui. Donnez-la-moi, Darley. Maintenant, tout est fini. Cléa et moi laissions notre amour suivre son cours naturel, accomplir son propre destin. Je n'habitais pas en permanence avec elle, car lorsqu'elle travaillait une toile qui réclamait toute son attention... Elle avait besoin de plusieurs jours de solitude complète. C'était le premier jour de l'été. Nous partîmes pour la journée sur une petite île à l'est d'Alexandrie que Cléa avait découverte. Balthazar vint avec nous. Nous nous installâmes sur un rocher assez gros pour nous abriter tous les trois du vent. Un cercle d'eau, bleu et immobile au milieu de la houle, formait une piscine naturelle. C'était d'une beauté fascinante. On avait l'impression de plonger dans la nef d'une cathédrale dont les vitraux laissaient filtrer le soleil à travers des centaines d'arcs-en-ciel. Cléa ne se lassait pas d'y nager. Elle émergea de l'eau phosphorescente, un vieux harpon d'acier à la main. Regardez, une prise de guerre. Mais attention Cléa, il est chargé. Non, donnez-le-moi. Cléa replongea aussitôt. Balthazar, penché en avant, tenta de désamorcer l'engin. Darley, je sais que vous devez bientôt partir, liquider vos affaires en Grèce. J'ai l'impression que vous ne reviendrez pas à Alexandrie. Emmenez Cléa avec vous. Je n'eus pas le temps de répondre car c'est alors que l'accident survint. Le harpon glissa des mains de Balthazar. Il fusa et fila dans l'eau en entraînant son long fil vert derrière lui. Nous entendîmes un léger claquement de l'acier atteignant une cible quelque part au fond de la piscine. Nom de Dieu ! Cléa ! Je me jetai à l'eau et suivis ce fil d'Ariane étreint d'une angoisse qui n'osait pas s'avouer. je distinguai enfin la forme de Cléa près de l'épave d'un bateau. Sa main droite avait été transpercée et clouée par la flèche d'acier. D'une seule secousse, je remontai à la surface pour émerger juste sous le nez de Balthazar. Le couteau, vite! Vite! Je replongeai et retrouvai Cléa inerte, flottant mollement comme une poupée de son, ses longs cheveux se déroulant lentement derrière elle. Et lorsque je commençais à taillader dans sa main, je me préparais mentalement un grand espace qui devait s'accommoder de l'idée de sa mort. Oh, Balthazar, comment est-elle? Comment s'est passée l'opération? Elle va bien, nous avons pris soin d'elle. Que voulez-vous que je fasse d'un tel gâchis? Ils ont bon dos, les miracles de la médecine. Ah, Marie, je vous en prie. J'aimerais la voir. C'est par ici. Venez. Je suis heureuse, tu sais. Je voulais te dire merci. Tu veux que je remette mon départ? Non, surtout pas. J'ai besoin d'un peu de temps pour me retrouver. Mets ta main sur mon épaule. Mais ne besoin pas de baiser. Pour le reste, nous verrons plus tard. Nous avons besoin d'un répit, n'est-ce pas, mon amour? Oui. Une phrase de Perse Warden me vint à l'esprit tandis que je refermais doucement la porte de la petite chambre. L'amour le plus riche est celui qui s'en remet à l'arbitrage du temps. Quelques jours plus tard, j'embarquai pour la Grèce. Balthazar m'accompagna au bateau. Vous me donnerez des nouvelles de Cléa, Balthazar? Tout le temps, je vous le promets. Il faut que je vous dise, Leila est morte. Dans sa dernière lettre du Kenya, elle m'avait écrit « Je vais mourir, mon cher Balthazar. Ne croyez pas les docteurs et leur diagnostic. En bonne alexandrine, je meurs de crève-cœur. » Mantolive encore? Mantolive jusqu'au bout. Je dois y aller. Nous nous reverrons bientôt. On ne se débarrasse pas facilement de moi. Je suis le juif errant, vous savez. J'ai l'impression que vous ne reviendrez pas. Mais nous nous reverrons. De cela, je suis certain. Moi aussi. J'en suis sûr. Ma chère Cléa, un long mois déjà dans ma petite île, et l'avenir ballotte au fond de moi comme une cargaison mal arrimée dans les cales d'un navire. Si je n'avais tellement envie de te revoir, je crois que je ne retournerai plus jamais à Alexandrie. Tu es sans cesse présente à mon esprit. Tu partages toutes mes pensées, comme une lame de couteau très froide que je maintiens contre mon esprit palpitant. Je venais à peine de confier cette lettre au muletier qui descend le courrier à la ville, quand je reçus une lettre portant un timbre égyptien dont l'écriture m'était inconnue. Darley, tu ne l'as pas reconnue, n'est-ce pas, cette écriture sur l'enveloppe? C'est ma première lettre avec ma nouvelle main. Naturellement, au début, elle me terrorisait et me répugnait, tu imagines. Mais j'ai maintenant beaucoup de respect pour ce bel et délicat appareil d'acier qui repose devant moi, si paisible dans son gant de velours vert. Elle peut accomplir les travaux les plus délicats, même tourner les pages d'un livre. Mais surtout, ah Darley, je tremble en écrivant ce mot, elle peut aussi peindre. Tous les chemins se sont ouverts devant moi et pour la première fois, tout me paraît enfin possible. J'ai là sur la table, à côté de moi, un billet de bateau pour la France. Il souffle un vent de départ en ce moment, comme pour éparpiller nos vies à nouveau et les redistribuer sur une nouvelle trame. Mount Olive s'en va dans 2 mois. Il est nommé au poste le plus envié de sa profession, Paris. Il s'est marié secrètement, tu devines avec qui. Même Balthazar part en voyage. Smyrne, Venise. Mais la nouvelle la plus piquante, je te l'ai gardée pour la fin. Justine. Imagine-toi que l'autre jour, en descendant la rue Fouade, vers 10 heures, je la vois venir vers moi dans une pimpante robe d'été d'une coupe très suggestive et devine qu'il marchait à côté d'elle, poussif et sautillant comme un gros crapaud. Même Lick. Elle le traînait littéralement comme un bulldog en laisse. Cléa, quelle joie de te revoir. Tu es splendide. Nous avons rendez-vous avec Nessim au Yacht Club. Tu viens avec nous? Tu penses que je ne me fis pas prier? Elle rayonnait d'une joie malicieuse et me lançait 1000 petits clins d'œil amusés dans le dos de mon nez. C'était comme si, telle une puissante machine de destruction, elle s'était brusquement remise en marche. Dans un moment d'aparté, elle m'a soufflé « J'ai trouvé le point faible de Memlik. Il rêve d'être introduit dans la bonne société d'Alexandrie et de rencontrer des femmes blanches. Beaucoup de femmes blanches. Tu sais, nous avons mis un nouveau plan sur pied, Nessim et moi. Nous avons fini par percer une brèche. Et cette fois, c'est beaucoup plus grand. C'est une affaire internationale. La chance de Nessim a brusquement tourné. Cléa, je suis si heureuse. J'en pleurerai. Nessim nous a rejoints. En l'apercevant, j'ai été saisie. Il paraissait tellement plus jeune, plus élégant, plus maître de lui. Et j'ai aussi éprouvé un petit serrement de cœur quand j'ai vu comment ils s'embrassaient. Nessim et Justine. Passionnément. Comme si le reste du monde n'existait plus. Quant à toi, homme sage, j'ai le pressentiment que toi aussi, tu as franchi un seuil pour entrer dans le royaume de ton imagination. Je ne devais pas attendre longtemps pour voir les nuages s'écarter de moi et découvrir le paysage secret auquel cette lettre faisait allusion. Cela vint par une belle journée, radieuse, tout à fait à l'improviste. Et jamais je n'aurais imaginé que cela pût se faire avec une telle aisance. Oui. Un jour, je me surpris à écrire, d'une main tremblante, les 4 mots que tous les conteurs de la Terre prononcent depuis le commencement du monde pour réclamer l'attention de leur auditoire. Des mots qui annoncent simplement qu'un artiste est entré dans sa maturité. J'écrivis « Il était une fois ». Et je sentis que l'univers tout entier venait de me faire un clin d'œil. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. 20e et dernier épisode, avec Christophe Giordano, Tarlet, Gérard de Sarthe, Balthazar, Vanessa Larré, Cléa, Juliette Roudet, Liza, Valérie Lang, Justine, et les voix de Sylvain Elie, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Suger.